aujourd'hui. C'est bien, voilà. Alors, regarde, on va ouvrir le panneau. Alors, un petit peu de silence, un petit peu de silence. Un petit peu de silence. Un petit peu de silence. Du silence. Comment ? Vital. Vital est là ? Vital. Il vient, il vient. Il vient, il vient. Ah bon? Alors attends, moi il propose que les gens ils descendent un peu parce que les gens dans le fond ils verront pas. Alors à moins que tu ouvres tout le canal devant là pour que les gens ils puissent voir. Voilà, si on peut sortir devant, on peut sortir devant. Allez, allez, allez, sautez devant, sautez, s'il vous plaît. Voilà, voilà. Ouvrez, ouvrez. Voilà, Vital est où? Il arrive. On va faire une ouverture symbolique de la mairie. Une mairie que pendant 19 ans, beaucoup d'entre vous et d'entre nous n'ont jamais mis le pied. Et donc, c'est symbolique qu'on ouvre cette porte, qu'on ne sait même pas ce qu'il y a derrière. Eh bien, on va assister ça en direct. Voilà, mesdames, messieurs, l'équipe de Jacques Teixeira et son conseil municipal ont pris officiellement possession de la mairie de Silence avec le peuple de Silence. On va pas rentrer dedans parce que demain on va faire un constat d'huissier. Mesdames, messieurs, voilà Attends, il laisse les gens descendre. S'il vous plaît, derrière, refermez la porte, s'il vous plaît. Voilà. Voilà, voilà. C'est bon. Voilà, mesdames, messieurs, nous avons procédé devant vous, devant le peuple, à la remise de l'écharpe du maire, à l'annonce de l'officialisation des 8 adjoints et des 3 adjoints spéciaux. Vous avez vu qu'on a ouvert symboliquement la porte de la mairie pour signaler qu'effectivement on prend possession de la mairie dès aujourd'hui, depuis ce midi. Le nouveau maire de la commune Silence, c'est votre nouveau maire, c'est Jacques Teixeira. En tout cas, on arrive à l'aboutissement de toute cette magnifique aventure, une épreuve. C'était un moment une épreuve, mais ensuite c'est transformé en aventure et ça s'est soldé par une large et magnifique victoire. Toute la Réunion a été éblouie, a été sous le charme de la victoire de l'équipe pour un vrai changement à Silos. Toute la Réunion a reçu cette victoire comme un message de renouveau, un message d'espoir, un message d'amitié, un message de fraternité et surtout un message de sérénité. Silos aujourd'hui... Silence d'ailleurs. Silos a démontré à beaucoup de communes et à toute la Réunion qu'on peut faire, qu'on peut transformer une colère, une révolte en une révolution citoyenne, propre, calme, dans les urnes. C'est ce que le peuple de Silos a réussi à faire avec beaucoup de maîtrise, beaucoup de courage et beaucoup de, comment on peut dire ça, beaucoup d'engagement. Moi, je félicite la population de Silos d'avoir été patiente. Vous avez été patient pendant 19 ans. Vous avez été beaucoup humilié, écrasé. Mais maintenant, la page de l'histoire de Silos, c'est une nouvelle page qui est en train de s'écrire. Et dans ce nouveau Silos, on l'a dit pendant cette campagne, notre objectif, c'est d'unir tous les Silaosiennes et tous les Silaosiens dans leur diversité, que ce soit leur origine, leur culte, leur religion. Nous n'avons aucune différence à faire entre les gens. Ici à Silos, nous devons travailler ensemble pour mieux comprendre comment fonctionne la cité. Il y a beaucoup de choses encore à faire. Il y a beaucoup de chantiers à mettre sur la table. Le problème notamment des jeunes et du chômage, le problème du logement social, le problème de la lutte contre l'insalubrité, contre les logements indignes. C'est des gros chantiers qui nous attendent. Ensuite, nous avons d'autres sujets beaucoup plus importants aussi que les gens commencent à découvrir. C'est tout ce qui touche à la protection de l'environnement, à notre forêt, à notre faune, notre flore qui nous entoure, aux problèmes de nuisances sonores, de nuisances. Il y a un paquet de problèmes à régler sur notre commune. Mais nous savons que nous pouvons tous, par le dialogue et la compréhension, faire avancer les choses. Et nous allons nous situer pleinement dans cet axe pour que l'objectif principal, c'est que chacun, chaque Silaosienne, chaque Silaosien se sente bien dans sa ville. Qu'il n'y ait plus de confrontation entre le maire, ses élus et la population comme c'était auparavant. Le maire, ses élus sont à l'écoute et au service de la population. On ne doit jamais être au service de soi-même. Et d'ailleurs, si c'est le cas, je sais que le peuple de Silos sanctionnera ce comportement. Nous n'avons pas peur parce que nous allons nous inscrire pleinement dans la ligne de l'intégrité, de l'honnêteté, de la loyauté et surtout du respect du mandat que le peuple nous a donné pour gérer les affaires de la commune en toute transparence et en toute utilité pour l'intérêt général de la population de Silos. Voilà. Voilà, mesdames, messieurs, on aura encore plein de choses à dire, mais on a 6 ans... à passer ensemble, vous et nous. Vous êtes d'accord? En tout cas, c'est un plaisir, depuis l'annonce de la victoire de Jacques Teixeira, de balader dans les rues, d'aller n'importe où, et de croiser, de rencontrer beaucoup de gens, aujourd'hui, avec un magnifique sourire sur les lèvres. Ça déjà, c'est une grande victoire pour nous. Ça déjà, c'est un grand soulagement que la population de Silos a retrouvé sa joie de vivre, a retrouvé le sourire. Et beaucoup me disent tous les jours, Jacques, N'a plus, évidemment, monsieur le maire. Monsieur le maire, maintenant, nous les fiers de notre ville. Oui, on est fiers de notre ville. Oui, on est fiers de notre ville. Et on sera encore plus fiers de notre ville lorsque nous aurons mis en œuvre nos principales actions que nous avons, nos principaux projets que nous avons mis sur la table, la maison funéraire que tout le monde attend depuis très longtemps, la gare routière que tout le monde attend depuis très longtemps, le gymnase et le complexe sportif que tous les jeunes attendent, les scolaires, l'école du sang, l'école du collège attendent depuis très longtemps, et tous nos projets qui sont déclinés dans le programme que vous avez reçu, les 24 propositions. Chers amis, nous avons beaucoup de travail. Nous ne savons pas ce que nous allons découvrir derrière le rideau qu'on a ouvert tout à l'heure. Peut-être beaucoup de surprises, de mauvaises surprises, certainement. Mais nous allons vers l'avenir. Nous n'allons pas nous cantonner sur le passé. Nous allons avancer. Avancer pour que Silas retrouve toute sa place sur l'échiquier politique, social, économique de la commune de Silas. Et de moi, mes élus, et avec vous, nous allons réussir ce challenge. Voilà, mesdames, messieurs, je passe la parole à mon ami maire Dupont pour vous dire deux petits mots, si vous souhaitez. Merci Jacques, t'es pas prévu celle-là, hein? Oh, t'es pas. Merci Jacques, bravo d'abord à vous pour cette grande victoire du grand changement sur Silas. Merci pour Silas, merci pour mon camarade Jacques. Je connais que c'est quelqu'un d'intègre qui va faire un très bon travail avec vous et il n'y a qu'à voir aujourd'hui cette assemblée. Mes chers amis, c'est vraiment un plaisir de venir à Silas. M'y venez pour visiter, pour passer du bon temps. Mais maintenant, m'y viens aussi pour apprécier la compagnie d'un bon Dallon Jacques, tes chers autres maires. Félicitations à vous, félicitations à Jacques et à toute son équipe, aux adjoints et aux conseillers. Il y aura un grand travail à faire, mais nous l'avons vu comment ça amène cette campagne-là. Franchement, le travail fait pas peur aux autres. Bravo! Merci. Merci notre ami Olivier. Et bien sûr, nous allons, évidemment, il y a beaucoup de chantiers à remettre sur la table. Il y a beaucoup de réparations d'injustice à mettre aussi sur la table. La première injustice, c'est ce que l'ancienne municipalité a fait de la maison de la broderie et de son ancienne présidente qui, il faut le dire, médaille d'or, meilleure ouvrière de France qui était avec nous tout à l'heure, je ne sais pas si elle est encore là. Hein? Suzanne Maillot, qui est le symbole de la broderie vivante de Silas et qui m'a brodé ce petit, voyez là. Voilà. Merci Suzanne. Bien sûr, il faut faire vivre. On perd son patrimoine, on perd ses racines. Voilà. J'ai 74 ans et je brode encore. Tu vois ce que j'ai fait pour moi ? Ah, merci beaucoup. Voilà, donc il y a des injustices qu'il faudra réparer, qu'il faudra remettre sur la table dans l'esprit de rassemblement, dans l'esprit de concertation. Il y a plein de choses qu'il faudra aussi mettre en route. Et je le dis, Jacques Teixeira ne sera pas un maire ni de droite ni de gauche. Nous allons rencontrer les collectivités qui sont les partenaires de la commune. En premier lieu, la région de Réunion, avec qui nous allons solliciter des réunions de travail pour faire avancer les dossiers de la commune. Nous allons solliciter le département et le président Cyril Melchior pour faire avancer les dossiers de la commune. Nous allons, dans quelques jours, quelques semaines, siéger et prendre position au sein de la communauté intercommunale des villes solidaires, la Civis, dans laquelle Silas, qui a été, il faut que beaucoup le sachent, c'est à l'époque de Jacques Teixeira que Silas a adhéré à une communauté de communes. À l'époque, c'était le CIVOM qui est devenu la Civis aujourd'hui. Donc nous allons retrouver une structure qu'on connaît puisque on a été à l'origine de la création de la Civis. Et aujourd'hui, ces collectivités, la Civis, le département et la région, avec Silaos, nous devrons travailler main dans la main pour faire avancer cette île, cette commune, dans une île au cœur de l'océan Indien. Nous avons le Piton des Neiges qui est le point culminant de la Réunion, mais aussi de l'océan Indien. Donc toutes ces collectivités, on va devoir se mettre à l'œuvre, au dialogue, à la concertation, pour faire avancer tous les dossiers de la commune de Silaos. Tout ça pour vous dire que nous serons à l'écoute, nous serons disponibles pour toute proposition, toute demande de travail en concertation, en collaboration, dans l'intérêt général de la population de Silaos. Voilà le message qu'on voulait faire passer cet après-midi sur cette belle place de la mairie, dans ce beau soleil, entouré de nos magnifiques montagnes et avec des gens formidables autour de moi, mais surtout devant moi ici cet après-midi. Je vous demande de vous applaudir. Parce que quelqu'un a dit à la télé il y a 3-4 jours, à Silaos, c'est un jour nouveau, un jour de l'an nouveau qui s'est levé sur la commune de Silaos. Il exagère peut-être, mais dans le cœur des gens et dans la tête des gens, c'est exactement ce qui s'est passé depuis le 28 juin 2020. Alors vraiment, je pense que non, on doit être fiers. Nous sommes fiers, mais colistiers et colistiers sont fiers de vous avoir procuré ce bonheur, ce sentiment d'être, de retrouver votre ville, de retrouver le goût de vivre et surtout le beau sourire quand je vous croise dans le chemin. Voilà, mesdames, messieurs, ce quoi nous souhaitons vous faire partager cet après-midi. Et nous allons écouter un petit peu de musique, l'orchestre cuivre de notre ami Sully avec son orchestre. Et puis nous allons reprendre les 4 ou 5 chansons de notre campagne électorale. Ça vous dit? Les 4 ou 5 chansons pour qu'on se remémore une fois, peut-être pas la dernière, parce que tout le monde a dans sa voiture, dans sa maison, tous ces refrains, ces chansons, on les entend partout, mais on l'a jamais mis ici, sur la place de la mairie, et ça, c'est le moment que tout le monde attendait, de voir toutes ces chansons sur la place de la mairie. Alors on va demander à l'orchestre cuivre de commencer, pour lancer le ton. Je vais faire mon nom. Attends, après. Ciao, c'est le moment du grand changement. Alors attends deux minutes. Attends, laisse aller en l'air, descendre avant. Tout le monde va descendre, s'il vous plaît. On va faire son dernier. Fais son dernier. Non, non, il y a... D'accord, libère le banc. Voilà, alors si tous ceux qui sont hauts peuvent descendre, on va libérer la place. Comme ça, ceux du premier rang vont monter après le deuxième et le troisième et le quatrième. D'accord ? Voilà. Jacques, tu peux descendre. Voilà, vaut mieux descendre. Attends, attends, attends. Voilà, je sais. Ah, tu sais, ça joue tout de suite. On fait à la fin, parce qu'on a déjà descendu. Ah bon, ben allez, ben viens, Zod, là, le premier rang, là. Viens ici, monte les escaliers. Mais toi, Nazod, vers la rue. Voilà, c'est bon, pas plus que ça. Voilà. Descends, descends sur les escaliers. Voilà, descends sur les escaliers. Voilà, derrière. Voilà, descends sur les escaliers. Voilà. Annick, descends sur les escaliers. Voilà. Voilà, voilà. Descends. Et les adjoints, les conseillers, les adjoints ici. Voilà. Voilà. Hé, hey, regarde la photo. Attends, attends, attends. Regarde, regarde la photo. Voilà, et attends, on va faire une photo. Voilà, recule un petit peu. Tout le monde recule un petit peu. Devant là. Recule un petit peu, recule. Voilà. Voilà, regardez l'appareil, regardez l'appareil. Là, on va changer. Allez, tout le monde descend. Un nouveau groupe remonte. Allez, allez, allez, sautez sur la droite. Sautez sur la droite, sautez sur la droite. Sautez sur la droite, voilà. Descendons. Sautez sur la droite. Et une nouvelle équipe. Voilà, passe devant. Déjà, mettons en l'air devant moi. Regarde l'appareil, regarde l'appareil. Allez, regardez, regardez la photo. Regardez l'appareil. Voilà, c'est bon ? Les bébés ? Plus personne ne fait la photo. Ah si, quand même. Voilà. Alors regarde. regardez l'objectif devant vous. Regardez l'objectif. Redescendez un peu, voilà. Mettez un point, un rang devant, il rentre au point, un rang devant. Allez, tout le monde est prêt? Voilà, sautez sur la droite. Thank you.